7 janvier dernier aux États-Unis, à l'école de médecine du Maryland, un homme de 57 ans a été transplanté avec un cœur de cochon. C'était la dernière chance pour cet homme inéligible à la greffe. Le greffon a tenu et aux dernières nouvelles, l'homme est encore en vie. C'est une première en matière de xénogreffe, soit la greffe d'un organe d'une autre espèce dans un corps humain grâce à la modification génétique des animaux donneurs. Il est envisageable aujourd'hui de pallier à terme l'insuffisance du nombre d'organes disponibles aux dons, certes, mais avec quelles conséquences médicales, sanitaires et éthiques ? Xénogreffe, greffon comme cochon, c'est le programme animal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce qui pourrait donc peut-être bien être le futur de la greffe, même s'il reste encore un certain nombre de questions et d'enjeux à soulever, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Blanchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de Transplantation Urologie Néphrologie, chef de service Néphrologie Immunologie Clinique du CHU de Nantes et président de la Société Francophone de Transplantation. Et je suis ici en studio à la Maison de Radio à Paris avec Patrick Nataf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Paris et chef du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat. Mais on commence par celle dont le petit cœur bat très fort chaque jour pour l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec deux études parues dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, études qui décrivent la découverte de deux étoiles très exotiques. Et dans la première étude, des chercheurs américains ont fait la découverte de deux étoiles de type SDO, ce qu'on appelle des étoiles Sounen. C'est un type assez particulier, assez rare, qui correspond à un stade avancé des étoiles. Un stade où, en général, l'hydrogène a disparu du centre et où les étoiles brûlent l'hélium. Une étape ultérieure avant que ces étoiles deviennent des naines blanches. Mais en étudiant plus précisément ces deux objets de type SDO, les auteurs ont découvert une quantité de carbone et d'oxygène anormale dans leur atmosphère, de l'ordre de 20% de carbone et d'oxygène, alors que ces éléments-là, normalement, ne représentent que 1% de la masse. Alors c'est la première fois que l'on observe ça, et les modèles d'évolution stellaire ne parvenaient pas à expliquer l'existence de ces astres. Mais la seconde étude, d'une équipe allemande, a peut-être résolu ce mystère. Stéphane Charpinet est chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Toulouse. Dans cette expérience, on étudie la désintégration d'état du tritium, qui est un gaz, le tritium étant un isotope de l'hydrogène, et le tritium est radioactif. Le tritium se désintègre spontanément en émettant un neutrino et un électron qui se partagent l'énergie. Et l'astuce dans Catherine, c'est de se concentrer sur l'électron. Alors, on a un petit problème. On a un petit problème de son. Ça n'est pas exactement le son qui correspond au reportage que vous vouliez lancer, Natacha. On retourne peut-être sur Stéphane Charpinet. Charpinet, un chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Toulouse. Voilà, qui nous parle de ces deux études sur ces étoiles très particulières avec du carbone et de l'oxygène. La seconde étude propose un scénario pour former ce type d'objet. Et l'idée avancée par les auteurs de la seconde étude, qui est de dire que en fait, ces étoiles naîtraient de la coalescence de deux objets naines blanches, sauf que dans ce cas précis, les systèmes qui viendraient à merger, comme on dit, à se coalisser, seraient formés en fait d'une naine blanche à hélium plus massive qu'un compagnon naine blanche, lui constitué de carbone et d'oxygène. Donc dans cette configuration qui est plutôt rare. En fait, c'est le compagnon formé de carbone et d'oxygène qui va se disloquer pour tomber sur l'étoile principalement constituée d'hélium. Et du fait, le carbone et l'oxygène de cette étoile compagnon va se retrouver à la surface de l'étoile et c'est ce qui va permettre qu'on observe ces quantités de carbone et d'oxygène. Donc on connaît, on sait déjà qu'il y a des systèmes comme ça qui vont fusionner. On parle là d'étoiles très proches les unes des autres, donc qui vont finir par fusionner parce que de tels systèmes émettent ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Mais ce cas-là en particulier montre qu'on peut effectivement avoir des configurations où c'est le compagnon qui a du carbone et de l'oxygène qui tombe sur le compagnon qui a que de l'hélium, plutôt que l'inverse. C'est généralement l'inverse, en fait, qui se produit dans les systèmes de ce genre. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres scénarios envisageables qui pourraient donner le même genre de résultat ? Peut-être. Mais ce que fait la deuxième étude, surtout, c'est de proposer un scénario plausible qui permet de résoudre ce mystère, en quelque sorte. Ce genre d'objet, c'est toujours extrêmement intéressant parce que ça sort de l'ordinaire. Donc, quelque part, ça bouscule un peu les idées qu'on a pu se construire à partir du système qu'on connaissait déjà auparavant. Donc, c'est une découverte intéressante dans ce contexte. Et voilà, si vous voulez retrouver donc l'étude initiale, vous pouvez vous rendre comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans The Lancet HIV, les traitements d'antirétroviraux par intermittence fonctionnent aussi bien que la trithérapie quotidienne. Et les chercheurs de l'APHP et de l'INSERM ont suivi pendant 48 semaines plus de 600 patients infectés par le VIH et sous trithérapie. 300 d'entre eux ont suivi leur traitement sans changer de molécule, mais pendant 4 jours et avec une pause de 3 jours. Il se trouve que les antirétroviraux par intermittence sont aussi efficaces que la prise quotidienne pour maintenir le virus en sommeil, ce qui représente un de nombreux avantages pour les patients. Il est plus pratique et il améliore considérablement leur qualité de vie, mais il est également mieux toléré, avec moins d'effets secondaires, et il est aussi beaucoup moins cher qu'un traitement standard. Des études virologiques et pharmacologiques supplémentaires sur du plus long terme sont en cours. Selon une prépublication parue sur le site de préprint de la revue The Lancet, le variant Omicron serait moins grave que le variant Delta. On s'en doutait depuis l'apparition de ce variant, mais cette grande étude épidémiologique vient le confirmer. Des chercheurs britanniques ont analysé les données de plus de 1,5 million de patients positifs au SARS-CoV-2, 1 million infectés par Omicron et près de 500 000 par Delta, entre novembre 2021 et janvier 2022. Et ils ont observé les risques d'hospitalisation et de décès dans les 14 et 28 jours après la contamination. Avec Omicron, le risque d'hospitalisation est divisé par 2,4, un risque qui chute avec l'âge et qui est divisé par 4 chez les quinquagénaires. Et quant au risque de décès, il y en a 3,2 fois moins avec ce variant, et ce, quel que soit l'âge. Et enfin, selon une étude parue aujourd'hui dans Proceedings of the Royal Society B, un système immunitaire plus robuste nous rendrait plus attirants. Une équipe américaine a étudié la relation entre la fonction immunitaire et l'attractivité faciale. Les chercheurs ont d'abord photographié les visages et les expressions neutres de jeunes hommes et jeunes femmes après leur avoir fait passer des examens sanguins. Puis, 500 participants ont regardé ces portraits et devaient évaluer leur niveau d'attirance. Il se trouve que les personnes qui avaient le plus de succès étaient aussi celles qui avaient une très bonne fonction immunitaire, avec des taux plus élevés de phagocytose, des globules blancs et des lymphocytes NK. Alors si vous vous sentez attiré physiquement par quelqu'un, c'est peut-être que cette personne a plus qu'un simple beau visage. Ouais, le plaisir de pouvoir dire à quelqu'un, tu as beau globule, tu sais. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Aujourd'hui en France, 1 million de personnes meurent chaque année faute d'avoir trouvé un greffon compatible. Ce sont à l'heure actuelle un peu plus de 10 000 personnes qui sont en attente d'un organe pour une greffe. Et cette situation de pénurie se retrouve de façon égale ou pire dans à peu près tous les pays du monde. Alors comment faire pour pallier ce manque d'organes ? Plusieurs pistes sont à l'étude, mais celle qui donne aujourd'hui les résultats peut-être les plus prometteurs est sans doute la piste de la xénogreffe, soit la greffe d'un organe animal qui a été préalablement modifié génétiquement pour pouvoir être toléré par l'organisme du receveur. C'est ce qui s'est passé le 7 janvier dernier aux États-Unis, où un patient de 57 ans a été transplanté avec un cœur de cochon. Écoutez. Cette boîte renferme un cœur de cochon génétiquement modifié qui va être greffé sur un homme de 57 ans. Une première mondiale réalisée avec succès par l'école de médecine de l'université du Maryland. Depuis cette opération d'environ 7 heures, le patient se sent bien, son organisme n'ayant pas rejeté ce nouvel organe d'origine animale. Pour David Bennett, c'était soit la transplantation, soit la mort, même si les médecins restent prudents sur ses chances de survie à long terme. C'est une avancée chirurgicale majeure qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes, a commenté le docteur Bartley Griffiths, qui a réalisé la transplantation. Pour le chirurgien, cette première mondiale apporte de l'espoir pour les patients dans le futur. Aujourd'hui, près de 110 000 Américains sont en attente d'une greffe d'organes. La médecine expérimente depuis longtemps les transplantations entre espèces. En 1984, un cœur de babouin avait été transplanté sur un bébé qui n'avait survécu que 20 jours. Voilà, reportage diffusé chez nos confrères d'Euronews. Gilles Blanchot, Patrick Nataf, peut-être pour commencer, c'est incontestablement une réussite et une grande porte qui s'ouvre pour l'avenir de la greffe et de la xénotransplantation. Alors oui, effectivement, pour la greffe, vous savez que les pénuries de greffons sont le problème essentiel des greffes d'organes, et effectivement, d'avoir un apport d'un supplément de greffons va être bénéfique. La xénotransplantation, là, est une voie de recherche. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres dont on pourra discuter. Mais pour l'instant, je pense que ça nous ouvre une porte. C'est un premier pas. Mais il faut rester humble. Bien sûr. Parmi les autres pistes, je peux vous renvoyer aux émissions que nous y avions consacrées. Il y a évidemment les organes complètement artificiels comme le cœur karma. Il y a également les organoïdes avec la possibilité à terme, pourquoi pas, de développer des organes fonctionnels à partir de l'ADN du donneur lui-même. Mais là, c'est à très long terme, ou en tout cas à moyen terme. On n'est pas encore tout à fait en mesure de produire des organes complètement fonctionnels. Nous y avions consacré une émission entière. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Gilles Blanchot, votre regard, vous, directeur de l'Institut de transplantation, c'est là aussi une preuve, peut-être pas de concept, mais une preuve de réalisation de ce type de xénogreffe qui était déjà un peu dans le carton, puisqu'il y a déjà d'autres essais qui avaient tenté dans d'autres circonstances et pas sur des patients vivants. Oui, tout à fait. C'est véritablement une grande avancée parce que la xénotransplantation a été historiquement la première modalité d'entrée de chirurgicalement dans la transplantation réelle. Hein, les grands chirurgiens pionniers des années 1900 ont montré qu'il était possible de connecter un organe sur une autre circulation par ces vaisseaux à partir d'organes d'origine animale à cette époque-là, porc, chèvre. Et malheureusement, a été bien entendu confronté à des échecs dus au système immunitaire dont on va certainement parler. Et tout ceci a évolué jusque dans les années 80, 90, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, mais toujours avec des échecs. Et parce que on était encore sur une approche tout à fait classique, c'est-à-dire on prend un organe animal et on le transplante chez un individu avec de l'immunosuppression. Là, on est vraiment sur une avancée majeure qui est que on prend un organe qui a été modifié génétiquement à dessein, avec des raisons très très précises, des voies moléculaires très particulières qui ont été soit bloquées, soit rentrées dans l'organe. Jusqu'à présent, ce n'était que de la recherche expérimentale dans des modèles expérimentaux animaux, avec des avancées récentes qui étaient très très prometteuses. Et là, c'est la première fois qu'on passe chez l'homme, pour l'instant, effectivement, comme vous l'avez rappelé, une survie qui paraît tout à fait prometteuse et qui peut être considérée comme déjà un premier semi-succès à ce stade de l'évolution. Vous savez, il y avait une phrase un peu classique qui se disait dans les années 90, qui était que la xénotransplantation était certainement le futur, mais le resterait toujours. Et bien là, on est en fait devant on est devant une preuve de concept, oui, très particulière, comme l'a dit Patrick Nataf. C'est encore une toute première, et donc il faut être extrêmement prudent maintenant pour la suite. Mais elle a la vertu d'une première évolution et d'une toute première. Est-ce qu'on a des nouvelles du patient Gilles Blanchot? Alors on sait qu'il a survécu à l'opération et quelques heures et quelques jours après l'opération. Aujourd'hui, on est à un peu plus d'un mois, à 5 semaines. On sait s'il se porte bien, s'il est conscient, et j'imagine qu'il est encore suivi à l'hôpital. Oui, alors malheureusement, je n'ai pas d'informations directes personnellement, mais ce que j'ai entendu indirectement est que le patient était très rapidement sorti des soins intensifs, n'avait pas du tout développé de rejet précoce, et puis avait une performance cardiaque qui était tout à fait correcte jusqu'à présent. Patrick Nataf? Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire ce qu'on a dans notre société savante américaine qui concerne ce patient, dit que ce patient est effectivement avec une fonction ventriculaire, une fonction cardiaque qui est conservée, qu'il a quand même passé près de 2 mois en réanimation, donc il a besoin de récupérer. Pour l'instant, pas de rejet aigu, hyper aigu constaté. On est presque au premier mois. On est peut-être un peu plus parce que les nouvelles que j'avais étaient du mois dernier, de la semaine dernière. Je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu de temps pour certifier que le patient est parfaitement bien. Il faut savoir qu'après une grosse opération et une longue réanimation, la récupération n'est pas toujours rapide, même avec une greffe humaine. À partir de combien de temps pourra-t-on dire que cette opération est un succès? Quelle est l'espérance de vie maximale que l'on peut espérer pour ce patient? Oui, alors pour les deux greffes cardiaques interespèces qui avaient été réalisées donc chez l'homme, il y avait le cœur de babouin en 64 d'abord, le cœur n'a battu que 90 minutes. Après, il y a eu le bébé qui est venu. 84. Là, c'était 21 jours. On a déjà dépassé cette durée. Mais je pense qu'il faudra au moins une centaine de jours pour dire que c'est un succès. En sachant que l'immunosuppression qui est fournie actuellement est la plus forte possible. Gilles Blanchot, votre sentiment à cet égard ? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours difficile, effectivement. Déjà, on peut dire que c'est, je disais, un semi-succès déjà parce que la période précoce est déjà parfaitement bien contrôlée. Donc ça, c'est un véritable succès parce que le système immunitaire humain est tellement discordant avec le système porcin que la réactivité est extrêmement violente et c'est ce qu'on appelle le rejet hyperaigu. Oui. Les chirurgiens n'ont même pas le temps de fermer la paroi de l'individu dans une expérimentation animale, que l'organe est déjà thrombosé. Donc là, on a largement passé ce cap et on pourra considérer véritablement un succès, je pense, comme disait Patrick Nataf, de plusieurs mois, parce que il y a des modèles expérimentaux qui ont montré des survies. Donc un des grands scientifiques qui est à la manœuvre sur cette expérimentation, le docteur Mohyuddine, a obtenu des survies de plus de 3 ans de greffe de cœur hétérotopique. Hétérotopique, ça veut dire en situation autre que dans le thorax, donc pas en situation de faire de la fonction ventriculaire et de la fonction d'éjection, mais en tout cas en situation d'être monitorable par des échographies, des ECG, etc., donc des organes qui ont réussi à battre pendant plus de 3 ans. Et des collègues, attendez, pendant plus de 3 ans sur des modèles animaux ou sur des modèles humains? Sur des babouins. Sur l'humain, là, c'est la toute première. Oui, bien sûr. Vraiment, non, parce que... quand je parle de survie prolongée, c'est bien que vous souligniez ça, parce que tout ce qui découle là de ce développement chez l'humain vient en fait d'une très très forte recherche qui s'est faite de façon expérimentale, et tout ce qu'on retrouve dans ce protocole chez ce patient vient véritablement de progrès qui ont été faits pas à pas dans les modèles expérimentaux animaux. Et donc une équipe allemande de Munich, du professeur Reichart, a elle de son côté eu une survie de plus de 3 mois sur des babouins en position orthotopique, c'est-à-dire véritablement en position anatomique dans le thorax avec une fonction cardiaque pour l'individu. Donc je pense qu'effectivement plus de 3 mois sera déjà considéré comme un succès. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de xénogreffe aujourd'hui en compagnie de Gilles Blanchot et de Patrick Nataf. Alors on va pas refaire effectivement toute l'historique, mais la xénogreffe, Gilles Blanchot, c'est effectivement le début, hein, avant qu'on comprenne bien les fonctionnements immunitaires, le fameux système HLA, la distinction du soi et du non-soi. On trouve dans la littérature médicale, bien avant le fameux Babyface en 84, des xénogreffes en veux-tu en voilà, avec évidemment toujours des succès nul, parce que ça ne marche jamais. J'ai trouvé des traces de greffe de cornée de chat ou de chien à des aveugles au XVIIe ou au XVIIIe siècle, des transplantations de reins de singe au début du XXe. On a essayé, mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas jusqu'à il y a très peu de temps. Absolument. Énormément de recherches, de recherches de très très très pionnières. Et il faut saluer là vraiment les chirurgiens qui ont été vraiment les à la manœuvre depuis toutes ces années. D'abord en montrant que techniquement il était possible de connecter un organe par ses vaisseaux sur les vaisseaux d'un autre individu. Donc c'est vraiment ça qui a été véritablement le succès de l'anastomose vasculaire, qui a permis ensuite d'aller vers l'allotransplantation, donc la transplantation entre individus de la même espèce. Et ensuite on retrouve tout des tas de séries de choses complètement qui nous paraissent aujourd'hui très très anachroniques et disparates, mais qui sont des événements qui ont permis d'avancer pas à pas, comme le fait la recherche, des Mathieu Jaboulet et puis Alexis Carrel. La grande école chirurgicale de Lyon des années 1900 a été très très très pionnière dans ces avancées, et il y a dans le Lyon médical de 1904 une première description de Mathieu Jaboulet qui décrit un rein de chèvre anastomosé au vaisseau d'une petite fille atteinte d'urémie. On parlait d'urémie à l'époque, donc qui signifie l'insuffisance rénale. Un rein de chèvre qui est, sur le dessin de la publication, sortant de la cuisse et avec l'urine qui coule le long de la cuisse de la petite fille. Évidemment, ceci n'a duré que quelques minutes, puisque ça a été toujours ce fameux rejet qu'on est maintenant capable de contrôler. Le rejet hyper aigu, on va en reparler dans un instant. Alors, juste peut-être poser les bases un peu en quelques mots. C'est donc Jean Dausset, dès la moitié du XXe siècle, qui met en lumière la structure du système immunitaire et notamment le fameux système HLA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, parce qu'on sait que pour de l'allogreffe, donc des greffes entre humains différents, qui ne soient pas des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, il y a déjà des systèmes de rejet qui se mettent en place. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe, pourquoi il y a des systèmes de rejet et quelle est la différence avec la xénogreffe? Est-ce que le rejet de la xénogreffe est plus important, plus violent que le système de l'allogreffe entre personnes de la même espèce? Tout à fait. Alors, ce qui définit justement notre reconnaissance de l'autre, c'est que nous avons à la surface de nos cellules ce que Jean Dausset a décrit justement dans ces années-là, qui lui a valu le prix Nobel de médecine, la découverte du système HLA. Donc, c'est un ensemble de gènes qui codent pour des molécules qui sont à la surface des cellules et qui, en quelque sorte, sont notre carte d'identité immunitaire individuelle. Et donc, nous avons des parentés, des ressemblances, c'est ce qu'on essaye de chercher quand on fait des transplantations, des gens qui se ressemblent sur ce système HLA, mais globalement, en dehors de jumeaux vrais, comme vous l'avez dit, nos systèmes HLA sont différents. On a un autre grand système antigénique, donc de molécules à surface des cellules qui nous diffèrent, c'est le système ABO, donc le système des groupes sanguins. Donc là, ça a été bien compris, on a maintenant des techniques de détection et de caractérisation de ces antigènes qui sont extrêmement fines, et on est capable d'aller très très loin maintenant dans la caractérisation d'un individu, et ce qui nous permet de pouvoir les transplanter plus facilement lorsqu'il y a des systèmes d'immunisation compliqués chez ces patients. Pour la xénotransplantation, non seulement le système, il y a bien entendu un système de type, ce qu'on appelle le système majeur d'histocompatibilité à la surface des cellules porcines, mais il y a aussi des antigènes d'origine porcine que notre système immunitaire humain reconnaît comme étant xénogéniques, c'est-à-dire étrangers. Donc, ce sont essentiellement des antigènes sucrés. Et il y en a trois majeurs qui sont véritablement identifiés et contre lesquels nous avons d'avance des anticorps dirigés contre. Donc ça veut dire que quand on envisage la xénotransplantation de base sans avoir d'une quelconque façon modifié génétiquement le donneur porcin, on est dans la situation la pire qui soit en transplantation, c'est-à-dire un individu qui a des défenses très fortes, spécifiques, contre des cibles qui sont à la surface du greffon qu'on lui apporte. Et c'est ça qui explique les rejets en quelques minutes. Et donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde maintenant, mais dans l'avancée de cette xénotransplantation, une des modifications génétiques qui a été importante pour avancer a été de supprimer l'expression de ces antigènes à la surface des cellules de ces organes porcins. On va revenir sur ce qui s'est passé, sur la façon dont ce cochon a été modifié génétiquement. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir que d'un seul coup, les rejets d'organes, on parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, de rejets hyper aigus, de rejets hyper aiguiférés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement dans la xénogreffe, comme vous le disiez à l'instant Gilles Blanchot, le rejet hyper aigu, ça commence instantanément à tel point que quand on le fait, ça peut même commencer avant même que les médecins aient refermé le patient. C'est vraiment immédiatement, tous les canaux sanguins se bouchent et vraiment l'organe est littéralement éjecté du système. Exactement. C'est une espèce de d'activation massive du système immunitaire qui a tellement de conséquences néfastes sur le greffon que la première cible, ce sont les vaisseaux, les tout petits vaisseaux d'abord, ensuite les vaisseaux un peu plus importants, qui se bouchent. Donc l'organe devient complètement thrombosé et dans une situation contrôle où on ne fait pas d'immunosuppression, où on utilise des organes standards, c'est en quelques minutes que ça apparaît. Donc c'est d'où le terme hyper aigu. Et puis, depuis maintenant, en gros, 30 ans, Il y a eu différents types de modifications, et là, vous me direz quand vous voulez aborder ça, qui ont fait qu'on est passé de quelques minutes de survie à quelques heures, de quelques heures à quelques semaines, de quelques semaines à quelques mois, et maintenant, dans les meilleurs résultats, de quelques mois à quelques années. Alors, on reviendra une fois aussi dans quelques minutes là-dessus. On va voir comment on adapte en fait. Là, ce que je voulais poser, ce qu'on comprend bien grâce à vous, c'est le cadre, c'est-à-dire celui d'un rejet hyper aigu immédiat, un autre rejet hyper aigu qui met en branle d'autres voies du système immunitaire, qu'on appelle le système hyper aigu différé, qui se passe là plutôt en termes d'heures ou de jours, et le rejet induit, qui est le rejet classique lié au système HLA dont on parlait, avec des anticorps qui vont cibler les organes et le non-soi. Un mot peut-être maintenant, puisque on s'intéresse à ces xénogreffes, ce à quoi on pourrait penser immédiatement, et d'ailleurs ce à quoi pensèrent les médecins et les chirurgiens précédents, c'est de se dire, bah, finalement, puisqu'on va chercher des organes très proches de l'être humain, on va chercher chez les espèces les plus proches de l'être humain, et notamment chez les grands singes, Patrick Nataf. Pourquoi le cochon, et pourquoi ne pas finalement aller chercher justement ce qui devrait a priori nous ressembler le plus? Oui, c'est a priori, hein, comme l'a expliqué Gilles Blanchot, c'est des modifications génétiques qui sont apparus chez les animaux. Alors je pense que les primates, d'abord, ça s'élève moins facilement que les porcs. C'est la première constatation qu'on peut faire. Les porcs, les cochons ont une anatomie qui sont à peu près similaires à celle d'un homme. C'est-à-dire que greffer un cœur de porc est exactement la même chose que greffer un cœur humain. Donc c'est pas une prouesse chirurgicale. Les chirurgiens expérimentés qui savent greffer des cœurs auront toute la facilité aussi bien de greffer un cœur de porc qu'un cœur de primate. Parce que ça veut dire qu'un cœur de porc a exactement la même morphologie qu'un cœur humain, ou vraiment pas tout à fait la même morphologie, mais une morphologie qui est très semblable. Ce qu'on va, c'est coudre des vaisseaux les uns avec les autres, et ça, nos prédécesseurs l'ont fait bien avant même ma naissance. Donc il n'y a pas de problème pour recoudre les vaisseaux. Il y a deux oreillettes à recoudre, soit par les veines caves, soit par les oreillettes, l'artère pulmonaire et l'aorte pour quand c'est un cœur. Donc, anatomiquement, ça se présente bien. Alors, ce qu'il y a de bien aussi avec le cochon, c'est qu'ils ont des portées qui sont régulières. Également, les cochons qui ont été utilisés, à différence de l'autre société qui industrialise ces cochons génétiquement modifiés, ces cochons, ils ont une morphologie qui fait que le cœur grossit vite, et ils ont enlevé le gène, justement, qui peut limiter cette croissance. Donc, on peut avoir un cœur qui est exactement morphologiquement compatible avec l'anatomie du thorax. Donc là aussi, c'est un avantage pour le cochon. C'est-à-dire à la bonne taille en fonction de l'âge de développement du cochon, pour que ça corresponde à la taille du cœur que l'on cherche chez la personne que l'on veut transplanter. Exactement. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est que quand on fait une greffe classique de cœur, il faut que ça soit pas seulement une compatibilité immunologique, il faut également que ça soit une compatibilité morphologique. C'est-à-dire qu'on va chercher un donneur qui a à peu près les mêmes caractéristiques morphologiques que le receveur. Donc, c'est comme ça qu'avec des lignées de cochons qui peuvent être génétiquement modifiées, on pourra disposer d'organes qui seront compatibles avec tout receveur possible. Alors, Gilles Blanchot, Patrick Nataf vient de l'évoquer, il y a cette suppression du gène de croissance pour être sûr que le cœur ne continue pas à grossir et soit à la bonne taille, mais dans ces cochons qui ont été génétiquement modifiés, il y a donc un procédé que l'on appelle la transgénèse, qui ont permis de modifier une dizaine de gènes en tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous détailler comment cela a été fait, quels sont les gènes qui ont été enlevés, ceux qui ont été ajoutés pour aboutir à ces cœurs qui soit le plus possible compatible avec l'espèce humaine? Oui. Alors, un petit mot justement à ce sujet sur l'histoire à nouveau, parce qu'en fait, le renouveau de la xénotransplantation arrive justement par l'avènement des techniques de transgénèse sur les grands animaux. Ça se faisait déjà chez les petits rongeurs, etc. Et ces techniques se sont développées dans les années 90. Et les tout premiers animaux qui ont fait véritablement le progrès, qui ont commencé à faire retrouver de l'espoir dans cette stratégie de xénotransplantation, sont les animaux transgéniques porteurs de molécules régulatrices du complément. C'est quoi le complément? C'est un système inflammatoire très important dans notre système de défense immunitaire qui s'active très très fort et qui est capable d'attaquer tout de suite une cible, une cellule infectée par un virus, une bactérie, etc. et de nous protéger. Eh bien, dans ce système, heureusement, il est régulé par des molécules régulatrices et les molécules régulatrices humaines régulent le complément humain et donc il faut que ce soit de la même espèce. Donc l'idée a été de faire rentrer des molécules régulatrices du complément humaine dans l'organe porcin, de telle sorte que lorsque l'organe porcin était attaqué par le système immunitaire humain, et en particulier le complément humain, il retrouvait en face des inhibiteurs de leur propre complément qui protégeaient l'organe porcin. Mmh. Ça a été un véritable progrès parce que le rejet hyper aigu a été contrecarré naturellement, sans aucune immunosuppression, sans aucune stratégie de déplétion des anticorps, que nous portons encore de façon préformée, hein, et donc qui a permis de passer de quelques minutes de survie à quelques jours, voire quelques semaines de survie, donc dans des cas exceptionnels, sans aucune immunosuppression. Donc ensuite, on a pensé à faire du multitransgénique, c'est-à-dire de faire rentrer plusieurs gènes nouveaux d'origine humaine dans un sens, là encore, de protection vis-à-vis de l'agression immune humaine antipore. Et ensuite est arrivée la technique de clonage, d'abord par ce qu'on appelle le transfert nucléaire. Donc ça, c'est la technique de Dolly, hein, la fameuse brebis, vous savez, des années 90. Les premiers grands animaux clonés sont passés par cette technique et qui maintenant est devenue, par la technique des ciseaux moléculaires, CRISPR-Cas9, dont on parle beaucoup partout dans ce qu'on appelle l'édition du génome, donc une façon très très très efficace de modifier et d'intervenir sur le génome, notre patrimoine génétique, et bien d'ensuite de faire passer un pas supplémentaire, c'est-à-dire d'avoir des animaux qui non seulement portent plusieurs gènes d'origine humaine pour les défendre, multitransgéniques, et également invalider de certains gènes porcins qui posent problème, les cibles contre lesquelles nous avons les anticorps, KO. Donc ce sont des animaux, KO, donc knock-out, invalidés pour, et multitransgéniques. Mmh. Donc des animaux très sophistiqués. Et alors, donc dans les KO, il y a donc les trois cibles majeures antigéniques sucrées dont je vous ai parlé qui ont été invalidées. Il y a le gène du récepteur de l'hormone de croissance, comme l'a dit Patrick Nataf. Et dans les autres gènes qu'on a fait rentrer, qui sont rentrés chez ces animaux, il y a des gènes donc de régulation du complément, de blocage de la coagulation, tout un ensemble de systèmes qui vient en quelque sorte contrecarrer le système immunitaire et également des problèmes de coagulation, parce que ça aussi, c'est un des soucis de la xénotransplantation. La discordance d'espèces active très très fortement la coagulation. Ouais. Ce qu'on comprenne bien, pour conclure sur cette partie transgénèse, Gilles Blanchot, c'est que ces modifications génétiques sont des modifications génétiques génériques, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les gènes qui appartiennent au receveur pour spécialiser une greffe qui ne pourrait être acquise que par lui. Pour le moment, peut-être que ça viendra d'ailleurs, mais pour le moment, ce sont des gènes qui sont génériques et qui peuvent correspondre à peu près à n'importe quel receveur de l'espèce humaine. Absolument, oui, oui. Pour l'instant, c'est de la modification génétique, et comme vous dites, qui est générique, c'est-à-dire qui cible des grandes voies moléculaires de la réponse immune. Mais on peut imaginer dans un futur tellement les progrès sont vraiment exponentiels, ça s'accélère d'une façon incroyable, que on va vers de la personnalisation de l'organe, absolument. On va continuer à discuter de ces xénogreffes. Là, on vient de voir un peu la partie technique de la xénogreffe. On va voir que cette xénogreffe, eh bien, ne va pas de soi à plein d'autres niveaux, de façon fonctionnelle, puisqu'on parle du cœur, mais il n'y a pas que le cœur que l'on cherche à greffer, de façon sanitaire. On va voir que, eh bien, changer, traverser de force la barrière d'espèces peut poser un certain nombre de problèmes et des problèmes de taille. Et puis, on posera, bien évidemment, la question éthique. Ça sera dans quelques minutes, juste après ça. Restez avec nous. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. so I don't feel alone on the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Pigs on the Wings de Pink Floyd à 16h35. Nous parlons de cochons, pas avec des ailes, plutôt de cœurs de cochons que l'on transplante à l'intérieur de patients humains. Nous parlons de xénogreffe tout au long de cette heure en compagnie de Gilles Blanchot, qui est directeur de l'Institut de Transplantation Urologie, Néphrologie et président de la Société Francophone de Transplantation, et Patrick Nataf, professeur à l'Université de Paris et chef du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat. On a entendu dans la première partie que l'une des grosse problématique de la greffe et notamment de la xénogreffe, mais également de l'allogreffe, c'est la question du rejet et donc potentiellement à terme la perte du greffon. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une équipe de l'INSERM s'est justement penchée sur cette question du rejet pour développer un modèle qui peut prédire la perte du greffon. Oui, et je suis allé à la rencontre de Marc Reynaud, qui est épidémiologiste, chercheur INSERM au sein du Centre de Recherche Translationnelle sur la transplantation d'organes de Paris. Pour développer ce modèle permettant de prédire et donc d'éviter à terme la perte d'un greffon de rein, l'équipe de Marc Reynaud a dû travailler avec les données d'une cohorte de plus de 13 000 patients. Ce modèle, dont le développement a pris plus de 10 ans, va permettre aux médecins d'améliorer la prise en charge des patients en attente d'une greffe de rein, mais aussi de prendre les décisions les plus adaptées à chaque personne. Alors notre modèle ne prédit pas le rejet du greffon, mais la perte du greffon. Donc le rejet peut mener à la perte. Voilà, c'est dans ce sens que ça fonctionne. Alors le grand contexte, on va dire, c'est la pénurie d'organes dans le monde et le fait que la survie au long cours des greffons n'augmente plus au cours du temps. Il y a eu de grandes avancées sur la survie au long terme, mais pas à long terme. Et donc, construire un système de prédiction pourrait permettre aux cliniciens d'anticiper les pertes de greffons et donc d'adapter les traitements, les stratégies cliniques pour le patient et donc maximiser la longévité du greffon. Quelles sont les difficultés majeures propres au développement d'un tel modèle? Comment est-ce que vous l'avez conçu et justement pour contourner ces difficultés? Alors la difficulté, je pense qu'on pourrait écrire un livre tellement il y en a. Ça a pris grosso modo à l'équipe 10 ans pour construire un modèle performant. La difficulté majeure, c'est de réunir les données nécessaires. Donc nous, on a réuni maintenant, on a à peu près 15 000 patients transplantés. C'est une cohorte internationale avec 20 à 25 centres maintenant, donc c'est énorme. Ce qui était très important pour vérifier, une fois que le modèle était développé, qu'il fonctionne dans des pays, des corps différents, des continents différents, des stratégies thérapeutiques différentes, des sous-populations différentes. Donc le plus important, c'était la diversité des données, je dirais, pour la généralisation du score de prédiction. Donc la mise en place de multiples collaborations, et bien sûr tout le développement statistique, la gestion des données, l'analyse des données et la publication qui arrive au bout. J'imagine que ce modèle est éminemment complexe, je ne vais pas vous demander de me le décrire par le menu parce qu'on n'a pas le temps malheureusement, mais comment il fonctionne concrètement et par quelles étapes vous êtes passé pour le développer? Alors c'est un modèle qui intègre plusieurs paramètres, des paramètres liés à la fonction du rein, donc la capacité à filtrer le sang, des paramètres liés à l'état des cellules du rein et des paramètres liés aux anticorps qui attaquent donc le rein. Donc c'est un modèle multidimensionnel, donc tout ça est intégré ensemble et prédit la perte du greffon. Donc pour un nouveau patient, maintenant que le modèle est créé, le clinicien entrera les paramètres que j'ai décrits pour un patient donné et il obtiendra les probabilités de survie du greffon au long terme, du coup personnalisées pour son patient. Comment ce modèle peut justement éviter à un patient de perdre son greffon? Et est-ce que on peut estimer qu'un greffon qui sera perdu chez un patient ne le sera pas chez un autre? Alors la deuxième question est un peu ambiguë. Alors je vais commencer par la première. En gros, ça va permettre de donner un warning, un avertissement au clinicien. Par exemple, le modèle pourrait donner voilà, le compte tenu des données de votre patient. Votre patient a une survie de son greffon à 5 ans de 70%. Peut-être que le clinicien pensait que c'était 80-90%. Et donc, il va faire des analyses complémentaires et potentiellement, avancer une date de biopsie, donc faire une biopsie précoce, découvrir un rejet et commencer un traitement anti-rejet plus tôt. Mmh. Et donc, si on suit cette chaîne de cause et d'effet, à terme, potentiellement, le patient va gagner un an, deux ans de survie du greffon. Ça, c'est pour un patient donné. Est-ce que les probabilités de chance de perte de greffon sont identiques selon n'importe quel patient? Ou bien justement, là, c'est là que le modèle est utile parce que selon les organismes, la réponse ne sera évidemment pas la même. Alors, les probabilités de survie, donc celles qui sont prédites par le système, sont les mêmes pour deux patients donnés qui ont les mêmes paramètres. Mais ces paramètres sont censés prendre en compte, du coup, la diversité et la variabilité des patients. Donc, dès qu'il y a une infime variation de ces paramètres, les probabilités de survie changent. D'un point de vue utilisation de ce modèle prédictif, est-ce que on peut estimer que ce modèle va être utilisé en routine à partir de maintenant, ou est-ce qu'il y a encore quelques étapes de validation? Alors ça, c'est une bonne question. On est déjà en train de l'implémenter dans deux centres à Paris. Et l'idée, ce serait de faire une sorte d'essai clinique randomisé où on prend un bras de patient qui n'aurait pas l'utilisation de ce score, donc le bras de gestion classique des patients, et un autre où là, le clinicien aurait l'aide et on verrait les différences de survie, de décision clinique, de biopsie réalisée, par exemple. Notre émission, on la consacre aux xénogreffes, aux greffes réalisées à partir d'organes développés chez des animaux génétiquement modifiés. Dans un futur hypothétique où ces greffons seraient développés, comment ce type de modèle pourrait être utilisé? Aurait-il besoin d'être adapté? Ou bien est-ce que finalement, l'idée serait la même? Je dirais que en tant que scientifique, la science me pousse à un peu d'humilité, donc je vais rester très prudent. Je dirais que si la xénogreffe se démocratise, il pourrait être en effet très intéressant de tester ce modèle chez des patients avec une telle greffe et potentiellement adapter ce modèle. Et s'il est moins performant, ajuster les paramètres, voire en développer un nouveau. Donc là, pour l'instant, ça reste très ouvert comme champ de connaissances. Dernière question, quels futurs travaux de recherche vous allez développer pour éventuellement améliorer déjà ce modèle? Est-ce qu'il y a encore des points à perfectionner? Alors pour l'instant, ce modèle, donc la première version, je dirais complète, en partie complète, a été publiée en 2019. Et récemment, c'est peut-être ce modèle dont vous avez entendu parler, il y a donc en décembre 2021, on a sorti le même modèle, mais cette fois dynamique, qui intègre les mesures répétées du patient. Donc on capture la trajectoire pour une prédiction, une performance de prédiction accrue. Sauf que ce modèle n'intègre pas encore tous les paramètres répétés du patient. Et donc à terme, on aimerait bien faire un modèle complètement intégratif qui intégrerait donc toutes les trajectoires des paramètres du patient. Voilà des modèles qui peuvent prédire la perte des greffons qui seront évidemment intéressants pour le développement de la xénogreffe le jour où cette xénogreffe pourra être pratiquée de manière pas seulement ponctuelle ou expérimentale mais de manière plus généralisée. Je le disais tout à l'heure, cette xénogreffe, elle pose aujourd'hui des questions profondes sur la pratique de la greffe et de la xénogreffe. Peut-être la première, Patrick Nataf, c'est la question fonctionnelle puisque le cœur aujourd'hui, on sait, peut être greffé de manière fonctionnel d'un cochon à un être humain, mais ça n'est pas du tout le cas de tous les autres organes, donc peut-être que là ça réduit immédiatement le champ possible de l'application de ces xénogreffes. Bah, disons que non, la fonction elle est essentielle. Hein. Quand on greffe, c'est parce qu'on remplace un organe qui est défaillant et qu'il n'y a pas d'autres thérapeutiques qu'on peut proposer. Que ça soit un foie, un rein, le cœur ou les poumons, c'est la fonction qui nous intéresse et donc il faut effectivement que l'organe soit fonctionnel. Est-ce que ça va poser des problèmes différents pour un cœur que pour un foie? Je pense que si la fonction n'est pas rétablie, la greffe ne sert pas. Donc c'est vraiment sur la fonction qu'on va travailler et chaque organe, on peut étudier sa fonction de façon particulière. Donc il faut que la fonction soit concomitante à au prélèvement de cet organe, au greffon qui soit compatible, que ça soit une allogreffe ou une xénogreffe. Gilles Blanchot, votre sentiment à ce propos entre une greffe de cœur qui a une fonction avant tout mécanique et une greffe de rein ou une greffe de foie qui a une fonction plus complexe de filtration. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que un rein ou un foie venu d'une espèce animale, d'un cochon en l'occurrence, pourrait s'intégrer et avoir exactement la même fonction organique et morphologique qu'un foie humain? Alors le foie, il est une situation particulière, le foie, parce que le foie, vous savez, fabrique beaucoup de molécules, des molécules de coagulation, l'albumine, etc. Et donc si le foie est d'origine porcine, il va fabriquer des molécules d'origine porcine, donc, et qui vont circuler. Et donc le foie risque, dans ces conditions, d'immuniser très fortement l'individu contre les molécules que son organe est potentiellement accepté ou non, en tout cas non rejeté, activement fabriquerait, et donc d'avoir en fait une inefficacité de la fonction de l'organe parce que les anticorps viennent tout neutraliser. Et donc en fait l'approche du foie, elle est plutôt en xénotransplantation dans une approche d'urgence qui pourrait être une situation en pont, vous savez, dans ce qu'on appelle l'hépatite fulminante, où le patient est rentré dans un coma, on a quelques heures pour transplanter le patient, c'est une hyper-urgence, et parfois on n'a pas, malheureusement, on a des patients qui décèdent en attente de ce greffon parce qu'il n'y a pas eu de détection d'un donneur en hyper-urgence. Et là, le foie porcin pourrait arriver et suppléer cette défaillance et tenir jusqu'à ce qu'on puisse faire une transplantation. Pour ce qui est du rein, ça a été étudié, la fonction rénale d'un porc. Elle est très très proche de la fonction humaine. Et il a été prouvé sur des primates très proches du fonctionnement physiologique humain que le métabolisme était rétabli tout à fait correctement par des organes porcins de filtration, etc. Et il y a quelques petits paramètres qui divergent. L'érythropoïétine, vous savez, la fameuse EPO qui est fabriquée par les reins, d'origine porcine, ne marche pas chez l'homme, mais bon, c'est pas un problème puisque maintenant on traite très régulièrement nos patients avec de l'EPO recombinante. Et il y a quelques petites spécificités sur le phosphore, les protéines, etc., qui sont à regarder sur du long cours. Mais globalement, il a été montré sur la fonction des reins que ça pouvait donner une bonne fonction de filtration sur le long cours. Le poumon pourrait poser un autre problème, puisque le poumon d'un porc est un organe qui est dédié à une fonction dans une situation de positionnement du corps horizontal, alors que chez l'humain il faut qu'il soit vertical, et donc c'est pas le même système d'expiration inspiration. Donc le poumon pourrait être un tout petit peu plus différent, mais pour l'instant pas d'informations péjoratives à ce sujet. Autre question importante, la question, avant de passer à la question éthique évidemment, la question sanitaire. On sait que bien chaque espèce héberge dans son génome certains rétrovirus qui sont rentrés dans l'ADN et qui ne demandent qu'à exprimer des virus quand ils sont dans une situation ou dans un milieu favorable. On sait qu'il y a des rétrovirus dans l'ADN porcin. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai danger de franchissement d'espèces, de zoonoses, ou surtout chez des patients qui a priori vont être immunodéprimés à cause des immunosuppresseurs et qui pourraient être d'un seul coup des usines virales et des usines à variants. Gilles Blanchot. Oui, c'est une considération qui est majeure dans la xénotransplantation. Il faut qu'on apporte une transplantation qui est sûre, qui n'est pas dangereuse, et en particulier, comme vous venez de le dire, qui ne transmet pas de pathogènes d'origine porcine. Et c'est une des raisons majeures aussi pour bannir l'usage, au-delà de la dimension éthique, de l'usage d'organes de primates chez l'homme, parce que nos primates proches cousins sont également des porteurs de rétrovirus, mais tellement proches de nous que le risque qu'ils recombinent avec nous est très très élevé et contre-indique très très fortement leur usage. C'est vraisemblablement comme ça que le VIH s'est développé sur Terre, donc il n'est pas question de repartir sur une telle chose. Donc pour ce qui est des porcs, les rétrovirus, là encore, les progrès de biologie de la reproduction, et en particulier les systèmes de KO CRISPR-Cas9, ont apporté un énorme bénéfice, parce que maintenant, il y a des travaux qui ont montré que, par la technique d'invalidation de gènes, il avait été possible d'invalider les séquences rétrovirales qui sont disséminées dans tout le génome et d'avoir des animaux qui sont rétrovirus négatifs. Ça, c'est la première approche. Donc, énorme encore avancée due à ces progrès là de l'édition du génome. Et deuxième approche, c'est d'identifier des souches porcines très faiblement excrétrices de rétrovirus porcin. Et c'est l'approche qu'a utilisé Revivicor, là, qui est l'entreprise, première transplantation. Voilà, l'entreprise qui a généré ces premiers animaux si sophistiqués. Entreprise qui travaille sur le sujet depuis 30 ans entre nous. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail qui était à l'origine de Dolly aussi, d'ailleurs, pareil. qui était à l'origine de Dolly. À l'époque, ils s'appelaient PPL. Ils étaient en Écosse, et c'est eux qui, justement, dans une recherche très européenne à l'époque, se faisaient chez nous. Et tout est parti aux USA pour diverses raisons. Mais au départ, tout ceci est parti de PPL. Leur tourne. J'aimerais qu'on parle avec vous, Patrick Nataf, de cette aussi question éthique. Cette question éthique, elle se pose de diverses manières. Déjà, l'acceptabilité pour le patient et pour la société de vivre transplanté avec un greffon animal, qui plus est un greffon de cochon. Le porc n'a pas toujours bonne presse dans l'imaginaire collectif, mais également l'acceptabilité de faire ce que fait Revivicor, c'est-à-dire des fermes pour des animaux génétiquement modifiés qui serviraient bien de vivier, de réservoir d'organes disponibles pour des patients humains. Est-ce que tout cela est éthiquement acceptable ? Disons que c'est au moins quelque chose qu'on doit discuter. C'est un problème éthique, c'est un problème complètement sociétal, c'est pour les patients également un problème qui peut être psychologique, avoir accepté ou pas un cœur d'animal, déjà même un organe humain, c'est difficile parfois à accepter, il y a un soutien psychologique. Donc effectivement, tous ces problèmes qui soient de la protection animale ou de la production d'organes qui seront plus ou moins acceptés par la population, par les gens, nécessite un débat. Donc là, on ne pourra pas se passer d'une discussion. On l'a fait pour beaucoup de choses, hein. On l'a fait pour les greffes. Rappelons-nous que pour les premières greffes, il y a eu des grandes discussions. Est-ce que on touche pas à l'intégrité du corps? Le prélèvement, ne serait-ce que le prélèvement, ou même la transplantation, pouvait être, et sont encore, au point de vue religieux, parfois des sujets tabous, hein. Donc il faut aller tout doucement dans cette voie-là. Et je pense que ça ne pourra pas se passer d'un débat sociétal où on pourra exposer également qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut être accepté et qui doit accepter en fait, hein. Alors ce que je sais, c'est que l'Agence de biomédecine avait fait une petite étude, hein. Si on parlait des gens qui étaient en attente de greffe et on leur proposait un cœur ou un organe, il y en a 45% environ qui étaient acceptés sans condition. Un organe animal, hein. Un organe animal, ouais. 30% qui refusaient systématiquement et 25% qui devaient poser des conditions à cette acceptation. Donc on voit que même pour les gens qui peuvent attendre, même si les gens, on sait que par exemple pour une greffe de cœur, on sait que l'espérance de vie est un an s'ils ne sont pas greffés, la question se pose, hein, s'il n'y en a que même pas la moitié qui pourrait accepter un cœur animal, c'est qu'il y a vraiment des questions qu'on doit se poser et qu'on doit poser. On reviendra dans un instant rapidement sur ces questions d'éthique, mais avant tout, et parce que l'heure tourne, c'est l'heure comme chaque mercredi de retrouver le futur de la recherche sur ces questions et la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Candice Pasquier. Bonjour. Oui, bonjour. Vous travaillez sur la mise en place d'un modèle d'angiome caverneux CCM sur le modèle d'œuf embryonné en vue de recherche fondamentale et du criblage haut débit de composés thérapeutiques. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute, c'est à vous. Merci pour cette introduction et merci pour l'opportunité de présenter mes recherches. Je suis donc étudiante en première année de thèse au sein de l'Institut pour l'avancée des biosciences de Grenoble. C'est un institut de recherche INSERM, CNRS et UGA qui est dédié à la compréhension des mécanismes de l'environnement et de l'épigénétique et comment ces mécanismes contrôlent l'activité des cellules, notamment dans les cancers et d'autres maladies chroniques. Dans mon équipe, nous nous intéressons aux angiomes caverneux cérébraux, ou CCM. Ce sont des malformations des vaisseaux sanguins du cerveau dans lesquels les vaisseaux se dilatent et s'empilent pour former une structure remplie de sang qui a un peu la même forme qu'une framboise. Le problème, c'est que ces vaisseaux saignent lentement, ce qui endommage le cerveau autour et peut provoquer des symptômes comme des maux de tête, de l'épilepsie, des paralysies ou même la mort. Dans 80% des cas, une seule lésion se forme de manière dite sporadique ou isolée. Mais dans 20% des cas, cette maladie est due à une mutation génétique qui va produire de nombreuses lésions dans le cerveau, parfois des centaines au cours de la vie d'un patient. Cette mutation, elle perturbe le fonctionnement des cellules endothéliales. Ce sont les cellules qui composent la couche interne de nos vaisseaux sanguins. En temps normal, ces cellules ont une forme qui leur permet d'être très jointives et de s'assembler en un tube imperméable. Mon équipe a montré que la cellule porteuse de la mutation n'est plus capable d'adapter sa forme aux contraintes physiques de son environnement, comme celle exercée par le flux sanguin, par exemple, qui mène à la formation de vaisseaux non étanches qui laissent fuir le sang. En moyenne, les angiomes cérébraux touchent une personne sur 200 et pourtant, il n'y a toujours pas de médicaments pour les traiter. Pour mieux comprendre cette maladie, la communauté scientifique a recours à des modèles qui tentent de reproduire ce qui se passe chez les patients. Par exemple, des souris porteuses de la mutation qui développent les mêmes lésions au niveau du cerveau. Cependant, les expériences avec des modèles animaux sont très longues et très coûteuses. Le sujet de ma thèse vise à établir un nouveau modèle d'angiome caverneux en utilisant des embryons de poulet. Alors ça peut sembler étrange dit comme ça, mais en réalité c'est comme les œufs qu'on trouve au supermarché, sauf qu'au laboratoire, nos œufs ont été fécondés et il y a donc un embryon qui se développe à l'intérieur. L'embryon est entouré d'une membrane qu'on appelle la membrane chorioallantoïque. Celle-ci est couverte de vaisseaux sanguins, à l'instar du placenta chez les mammifères. Pour cette raison, cette membrane est utile pour étudier les mécanismes de formation des nouveaux vaisseaux sanguins. En plus, l'embryon a l'avantage d'avoir un système immunitaire encore incomplet. Grâce à ces deux caractéristiques clés, c'est un modèle très pratique de xénogreffe, car la greffe n'est pas rejetée par le système immunitaire de l'hôte, et elle se retrouve irriguée par les nombreux vaisseaux sanguins nouvellement formés de la membrane. J'effectue ma thèse également au sein de la société Innovotion. Cette entreprise utilise le modèle pour créer des xénogreffes de tumeurs humaines, sur lesquels ils testent des composés thérapeutiques développés par leurs clients. Ils évaluent leur effet sur la croissance tumorale ou l'apparition de métastases dans l'œuf. Ces tests permettent d'identifier rapidement les nouveaux traitements anticancéreux prometteurs et d'utiliser moins de mammifères comme les souris pour les études précliniques. L'idée originale de ma thèse, c'est d'adapter ce modèle aux angiomes caverneux cérébraux. Pour cela, je greffe des cellules humaines de vaisseaux sanguins au lieu des cellules cancéreuses. D'abord, je les cultive in vitro, c'est-à-dire dans des boîtes de pétri. Ensuite, avant de les greffer sur la membrane des œufs, je les modifie génétiquement pour qu'elles portent la même mutation que les patients, mais aussi pour les rendre fluorescentes, ce qui me permettra de faire la différence entre les cellules humaines greffées et les cellules du poulet. Une fois la greffe effectuée, j'étudie comment les cellules humaines se sont organisées et j'analyse leur impact sur les vaisseaux de la membrane, ainsi que la présence de saignements. Une fois validé, on utilisera ce nouveau modèle dit Innovo dans l'œuf, pour mieux comprendre les raisons du dysfonctionnement de ces cellules et tester de nombreux médicaments, ce qu'on ne peut pas faire actuellement sur les autres modèles animaux. Enfin, nous espérons que cela permettra d'accélérer la découverte d'un traitement pour les patients atteints de cette maladie. Merci beaucoup Candice Pasquier pour cette présentation. Un tout dernier mot Gilles Blanchot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, sur les questions notamment d'éthique et d'acceptabilité. Vous pensez aujourd'hui que nos sociétés sont prêtes à accepter la xénogreffe comme une méthode classique de transplantation pour avoir à disposition des greffons qui sont, on le sait, en manque très largement, comme on le disait au début de l'émission? Directement comme ça, non. Je pense qu'il faut, comme l'a dit Patrick Nataf, il faut un débat. Il faut d'abord un débat basé sur de l'information. Donc c'est pour ça que je vous félicite pour cette émission, parce que on a vraiment besoin d'informer la population. Il n'est pas question d'imposer des stratégies de telle sorte à des citoyens non informés. Et puis deuxièmement, il faut qu'on fasse bien passer l'information que. Il faut donner confiance aux gens, c'est-à-dire montrer des résultats scientifiques qui sont encourageants, qui sont probants. Voilà, ça marche, c'est pas dangereux. Et puis troisièmement, il faut qu'on soit en capacité de discuter tout ceci et surtout de décrire tout ce qui se passe ici comme effectivement une possibilité d'utiliser l'animal comme un événement médical, et que ceci est dédié à des populations animales très très très spécifiques, très rares, très sophistiquées qu'on va à terme considérer comme des produits médicaments. Je suis obligé de vous arrêter, mais merci beaucoup parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous les deux, merci Gilles Blanchot, merci Patrick Nataf, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Ludovic Auger aujourd'hui à la technique, et on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.